Après ces cinq piliers fondamentaux de l'islam, j'ai retenu une troisième série de préceptes concernant, de façon large, la vie en société. Quand vous entrez dans une maison, saluez-vous réciproquement, celui qui entre et celui qui reçoit, en vous souhaitant de par Allah une bonne et heureuse santé. C'est ainsi qu'Allah vous explique ses révélations, afin que vous les compreniez. Si un homme méchant vous apporte quelques nouvelles, cherchez d'abord à vous assurer de sa véracité. Autrement, vous pourriez faire du tort à quelqu'un sans le savoir, et vous vous en repentiriez ensuite. Que les hommes ne se moquent point des hommes. Ceux que l'on raille valent peut-être mieux que leurs railleurs, ni des femmes, des autres femmes. Peut-être celles-ci valent mieux que les autres. Ne vous diffamez pas entre vous, ne vous donnez point de sobriquet. Que ce nom, méchanceté, vire mal, après la foi que vous professez. Ceux qui ne se repentiraient pas après une pareille action ne seraient que méchants. Ô vous, qui croyez éviter le soupçon trop fréquent, il y a des soupçons qui sont des crimes. Ne cherchez point à épier les pas des autres, ne médisez point les uns des autres. Ne tends point la lèvre de dédain pour les hommes. Ne marche point fastueusement sur la terre, car Allah est, tout homme arrogant, glorieux. Marche d'un pas modéré, baisse la voix en parlant. La plus désagréable voix est celle de l'âne. Ô croyant, la peine du talion vous est prescrite pour le meurtre. Un homme libre pour un homme libre, l'esclave pour l'esclave, et une femme pour une femme. Celui qui obtiendra le pardon de son frère sera tenu de payer une certaine somme, et la peine sera prononcée contre lui avec humanité. C'est un adoucissement, à la rigueur du talion, de la part de votre Seigneur, et une faveur de sa miséricorde. Mais quiconque se rendra coupable encore une fois d'un crime pareil sera livré au châtiment douloureux. Dans la loi du talion est votre vie, ô homme doué d'intelligence. Peut-être finirez-vous par craindre Allah. Ne tuez point vos enfants par crainte de pauvreté. Nous leur donnerons leur nourriture ainsi qu'à vous. Les meurtres que vous commettez sont un péché atroce. Ne tuez point l'homme, car Allah vous l'a défendu, sauf pour une juste cause. Celui qui serait tué injustement, nous avons donné à son héritier le pouvoir d'exiger une satisfaction, mais qui ne dépasse point les limites en tuant le meurtrier, car il est déjà assisté par la loi. Le mal et le bien ne sauraient marcher de pair. Rends le bien pour le mal, et tu verras ton ennemi se changer en protecteur et ami. Tous les biens que vous avez reçus ne sont qu'un usufruit. Ce que Allah tient en réserve vaut mieux, et il est plus durable. Ces dons sont réservés aux croyants qui mettent leur confiance en Allah, qui évitent les grands péchés et les actions infâmes, qui, emportés par la colère, savent pardonner, qui, ayant reçu un outrage, se défendent. Mais la vengeance d'une injure doit être égale à l'injure. Celui qui pardonne entièrement et se réconcilie avec son ennemi trouvera sa récompense auprès d'Allah. Allah n'aime pas les méchants. Quiconque venge une injure reçue ne sera point poursuivi. C'est la sagesse de la vie que de supporter avec patience et de pardonner. Vous couperez les mains des voleurs, hommes ou femmes, en punition de leurs crimes. C'est la peine qu'Allah a établie contre eux. Il est puissant et sage. Quand vous mesurez, remplissez la mesure. Pesez avec une balance juste. Cela vaut mieux et c'est plus beau. Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens ne vous produira rien auprès d'Allah. Mais tout ce que vous donnerez à aumône pour obtenir les regards bienveillants d'Allah vous sera porté au double. Allah a permis la vente, il a interdit l'usure. Celui à qui parviendra cet avertissement du Seigneur et qui mettra un terme à cette iniquité obtiendra le pardon du passé. Son affaire ne regardera plus qu'Allah. Ceux qui retourneront à l'usure seront livrés au feu où ils demeureront éternellement. Si votre débiteur éprouve de la gêne, attendez qu'il soit plus aisé. Si vous lui remettez sa dette, ce sera plus méritoire pour vous.